your blood, in your blood drums. I said if I was a horse, I would throw up the reins if I was you. Whoa-ho-ho-ho-ho-ho-ho. So look at you go.

Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis aux finissants. Notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan Sentra est éligible au rabais diplômé. Pour les prix, les services, la qualité, chez nous en Mauricie, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Samedi, 21h. Oui, qu'est-ce qu'il y a? myspace.com/le vestibule. Mais tu es fou! Les vendredis soirs, les Palmarès C'est Fou vous présentent un condensé de tout ce que C'est Fou a de meilleur à vous offrir. Les Palmarès C'est Fou, c'est les meilleures pièces francophones et anglophones de la semaine, en plus de chroniques et de concours, sans oublier la capsule humour extrême vidant la don la question. Les Palmarès C'est Fou, les vendredis soirs de 17h à 20h, à C'est Fou 89.1 FM. Les Palmarès C'est Fou, une présentation de Trois-Rivières Nissan et d'Énergie Nissan chez Nigga. Take me as I am.